through the bottleneck. Elle est belle chaque matin, pourtant elle fait le tapin. Ce monde est malsain, la vie n'est qu'une catin. J'ai le cœur sur la main, mais mon gang est taquin. Mes ennemis dans le ravin, je mets des créneaux dans leur vagin. Parti de rien du pays, je sais ce que c'est que d'être à jeun. Africain, tu peux me voir avec un treillis ou un bazin. J'arrive comme un sous-marin, calaché comme le parrain. Tu vois la taille du machin, et t'en perds ton latin. J'ai les yeux pleines, je me vide dans leur bas. Je suis incurable, il n'existe pas de vaccin. Rajoute quelques grammes que je plane comme Aladdin. C'est mon psychodrame car le temps est assassin. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. C'est coupable que je plaide, ouais. Il n'existe pas de remède, non. Clic, clac, t'es dead. Je ne veux pas que l'on m'aide, oh, oh, oh. Que l'on m'aide, oh, oh, oh. Que l'on m'aide, oh, oh, oh. Que l'on m'aide, oh. Je ne veux pas que l'on m'aide, c'est coupable que je plaide. N'existe pas de remède, clic clac t'es dead. Je ne veux pas que l'on m'aide. Tu m'as vu dans les gradins, tu me vois avec le gratin. Dans toutes les pièces y'a mon parfum, trois pièces Pierre Cardin. J'avoue quelques larcins, si je croise la mort à la fin. Je le roule un gros patin, j'avoue que je suis un gros camin. Je lui poserai bien à lapin, mais elle seule peut stopper ma faim. Dangereux fantassin, je veux mon linceul en satin. Je prépare que du sale, oh clic, c'est mon dernier pain. Je suis dans la cuisine, Adam et Ève sont dans le jardin. Tu veux pas, j'en prends une autre, ton boule ne sent pas le jardin. Jasmin, holster, sur les côtes j'déboule, ça sent le sapin. Pour eux j'rappe comme un martien, ça craint, issu du sud subsaharien. J't'allume si tu me sers à rien. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. Je ne veux pas que l'on m'aide, non. C'est coupable que je plaide, ouais. Il n'existe pas de remède, non. Clic clac t'es dead. Je ne veux pas que l'on m'aide, oh, oh, oh. Que l'on